Chapitre 5e. Quatre femmes en croix. Véronique restait seule dans l'île aux 30 cercueils. Jusqu'à l'instant où le soleil descendit parmi les nuages qui semblaient reposer sur la mer, à l'horizon, elle ne bougea pas, écroulée contre la fenêtre, la tête enfouie dans ses deux bras qu'elle appuyait au rebord. La réalité passait dans les ténèbres de son esprit comme des tableaux qu'elle s'efforçait de ne pas voir, mais qui, par moments, devenaient précis au point qu'elle s'imaginait revivre les scènes atroces. Elle continuait à ne point chercher d'explication à tout cela, et à ne point faire d'hypothèse sur toutes les raisons qui eussent éclairé le drame. Elle admettait la folie de François et de Stéphane Maroux, ne pouvant supposer d'autres motifs à de tels actes, et croyant fous les deux assassins, elle n'essayait pas de leur attribuer des projets quelconques et des volontés définies. La folie d'Honorine, d'ailleurs, qu'elle avait vue pour ainsi dire éclater, l'incitait à juger tous les événements comme provoqués par une sorte de déséquilibre mental dont les habitants de Sarek avaient tous été victimes. Elle-même, à certaines minutes, sentait son cerveau vaciller, ses idées s'évanouir dans la brume et d'invisibles fantômes rôder autour d'elle. Elle s'assoupit, et d'un sommeil que hantaient de telles images, et où elle se trouvait si malheureuse qu'elle se mit à sangloter. Du reste, il lui semblait entendre un bruit léger qui, dans son esprit engourdi, prenait une signification hostile. Des ennemis approchaient, elle ouvrit les yeux. Il y avait devant elle, à trois pas, assis sur ses pattes de derrière, un animal bizarre, vêtu de longs poils café au lait, et dont les pattes de devant étaient croisées comme des bras. C'était un chien, et tout de suite elle se rappela le chien de François, dont Honorine lui avait parlé comme d'une brave bête, dévouée et comique. Elle se rappela même son nom, Tout va bien. En le prononçant, ce nom à demi-voix, elle eut un mouvement de colère et fut sur le point de chasser l'animal affublé de ce sobriquet ironique, Tout va bien. Et elle pensait à toutes les victimes de l'affreuse tourmente, tous les morts de Sarek, son père assassiné, Honorine se tuant, François devenu fou. Tout va bien. Cependant, le chien ne remuait pas. Il faisait le beau de la façon qu'Honorine avait décrite, la tête un peu penchée, un œil clos, les coins de la bouche tirés en arrière jusqu'aux oreilles, les bras noués, et vraiment quelque chose comme un sourire émanait de sa face. Maintenant, Véronique se souvenait. C'était sa manière, à tout va bien, de manifester sa sympathie pour ceux qui avaient de la peine. Tout va bien ne supportait pas la vue des larmes. Quand on pleurait, il faisait le beau jusqu'à ce qu'on sourie à son tour et qu'on le caressât. Véronique ne sourit point, mais elle l'attira contre elle et lui dit « Non, ma pauvre bête, tout ne va pas bien. Tout va mal, au contraire. N'importe. Il faut vivre, n'est-ce pas? Et ne pas devenir fou soi-même, comme les autres. » Les nécessités de l'existence lui imposaient le besoin d'agir. Elle descendit à la cuisine, trouva quelques provisions dont elle donna une bonne part au chien, puis elle remonta. La nuit était venue. Elle ouvrit, au premier étage, la porte d'une chambre qui devait être inoccupée en temps ordinaire. Une immense lassitude l'accablait, causée par tant d'efforts et par des émotions si violentes. Elle s'endormit presque aussitôt. Tout va bien, veillait au pied de son lit. Le lendemain, elle s'éveilla tard, avec une impression singulière d'apaisement et de sécurité. Il lui semblait que sa vie actuelle se reliait à sa vie douce et calme de Besançon. Les quelques jours d'horreur qu'elle avait passés prenaient le recul d'événements lointains et dont leur tour ne pouvait pas l'inquiéter. Les êtres qui avaient disparu dans la grande tempête demeuraient pour elle un peu comme des étrangers qu'on a rencontrés et qu'on ne verra plus. Son cœur ne saignait pas, le deuil n'atteignait point le fond de son âme. C'était le repos imprévu et sans limite, la solitude réconfortante. Et cela lui parut si bon qu'un vapeur étant venu mouiller sur le lieu du sinistre, elle ne fit aucun signal. Sans doute la veille avait-on aperçu de la côte la lueur des explosions et entendu le fracas des détonations. Véronique ne bougea point. Elle vit un canot se détacher du vapeur. Il pensa bien qu'on allait aborder et explorer le village. Mais outre qu'elle redoutait une enquête où son fils pouvait être mêlé, elle ne voulait point qu'on la trouvât. Elle, qu'on l'interrogeât, qu'on découvrît son nom, sa personnalité, son histoire, et qu'on la fit rentrer dans le cercle infernal d'où elle était sortie. Elle préférait attendre une semaine ou deux, attendre qu'un hasard fit passer à portée de l'île quelques barques de pêcheurs qui la recueilleraient. Mais personne ne monta jusqu'au prieuré. Le vapeur s'éloigna, et rien ne troubla l'isolement de la jeune femme. Elle restait ainsi 3 jours. Le destin semblait avoir renoncé à lui livrer de nouveaux assauts. Elle était seule et maîtresse d'elle-même. Tout va bien, dont la présence lui avait apporté un grand réconfort, disparut. Le domaine du prieuré occupe toute l'extrémité de l'îlot, sur l'emplacement d'une abbaye de bénédictins abandonnée au XVe siècle et peu à peu tombée en ruine et détruite. La maison, bâtie au XVIIIe siècle par un riche armateur breton, avec les matériaux de l'ancienne demeure abbatiale et avec les pierres de la chapelle, n'offrait rien de curieux, ni comme architecture, ni comme ameublement. Véronique, d'ailleurs, n'osa pénétrer dans aucune des chambres. Le souvenir de son père et de son fils l'arrêtait devant les portes closes. Mais le deuxième jour, sous un clair soleil de printemps, elle explora le parc. Il s'étend jusqu'à la pointe de l'île, et comme la pelouse qui précède la maison, il est bossué de ruines et vêtu de lierre. Elle remarqua que toutes les allées se dirigeaient vers un promontoire escarpé que couronne un groupe de chênes énormes. Quand elle déboucha, elle vit que ces chênes entouraient une clairière en forme de demi-lune qui s'ouvre sur la mer. Au centre de cette clairière s'allonge un dolmen dont la table ovale et assez courte s'appuie sur 2 pieds de roc presque carrés. L'endroit est grandiose et d'une majesté impressionnante. La vue qu'on découvre est infinie. Le dolmen aux fées dont parlait Honorine, pensa-t-elle. Je ne dois pas être loin du calvaire fleuri et des fleurs de Magnoc. Elle fit le tour du mégalithe. La face interne des 2 pieds portait quelques signes gravés indéchiffrables. Mais sur les 2 faces extérieures, qui regardaient la mer et formaient comme 2 plaques unies et préparées pour l'inscription, il y avait des choses qui lui redonnèrent un frémissement d'angoisse. À droite, c'était, profondément incrusté, le dessin inhabile et primitif de 4 croix sur lesquelles se tordaient 4 silhouettes de femmes. À gauche, c'était une série de lignes écrites, mais dont les caractères, insuffisamment creusés dans le roc, avaient été presque effacés par les intempéries, ou peut-être même grattés volontairement par la main de l'homme. Cependant, quelques mots demeuraient, les mêmes mots que Véronique avait lus sur le dessin trouvé près du cadavre de Magnoc. 4 femmes en croix, 30 cercueils, la pierre Dieu qui donne mort ou vie. Véronique s'éloigna en vacillant. Le mystère était devant elle encore, comme partout dans l'île, et elle était résolue à le fuir jusqu'au moment où elle pourrait s'en aller de sa règle. Un sentier partait de la clairière et passait près du dernier chêne à droite, chêne sans doute anéanti par la foudre, et dont il ne restait que le tronc et quelques branches mortes. Plus loin, elle descendit quelques marches de pierre, traversa une petite prairie où 4 rangs de menhirs étaient alignés, et s'arrêta brusquement avec un cri étouffé, cri d'admiration et de stupeur devant un spectacle qui s'offrait à elle. « Les fleurs de Magnoc, » murmura-t-elle. Les 2 menhirs de l'allée centrale qu'elle suivait se dressaient comme les poteaux d'une porte ouverte sur la plus magnifique des visions, une esplanade rectangulaire, longue de 50 mètres tout au plus, à laquelle on descendait par quelques marches et que bordaient, ainsi que les colonnes d'un temple, 2 rangs de menhirs d'une même hauteur, plantés à intervalles strictement égaux. La nef et les bas-côtés de ce temple étaient pavés de larges dalles de granit, irrégulières, cassées, et que l'herbe, qui poussait dans les fentes, dessinée comme le plomb qui encadre les fragments d'un vitrail. Au milieu, un carré de dimension restreinte, et dans ce carré se pressait autour d'un vieux Christ en pierre qui émergeait du centre, des fleurs. Mais quelles fleurs! Des fleurs inimaginables, fantastiques, des fleurs de rêve, des fleurs de miracle, des fleurs hors de proportion avec les fleurs habituelles. Véronique les reconnaissait toutes, et cependant, elles demeuraient interdites en face de leur grandeur et de leur splendeur. Il y en avait de beaucoup de sortes, mais peu de chaque sorte. On eût dit un bouquet, composé de façon à réunir toutes les couleurs, tous les parfums et toutes les beautés. Et ce qu'il y avait de plus étrange, c'est que ces fleurs, qui à l'ordinaire ne fleurissent pas simultanément et dont les éclosions se succèdent de mois en mois, poussaient et fleurissaient à la fois. C'est au même jour que ces fleurs, toutes fleurs vivaces, dont l'effervescence ne se prolonge guère au-delà de 2 ou 3 semaines, s'épanouissaient et se multipliaient, lourdes, éclatantes, somptueuses, fièrement portées par leurs tiges puissantes. C'étaient des éphémères de Virginie, c'étaient des renoncules, des hémérocales, des ancolies, des potentilles rouges comme du sang, des iris d'un violet plus lumineux qu'une robe d'évêque. On y voyait le pied d'alouette, le phlox, le fuchsia, l'aconite, le montbrécia. Et par-dessus tout cela, oh, et de quel trouble fut envahie la jeune femme! Par-dessus la corbeille étincelante, plus élevée sur une étroite plate-bande qui entourait le piédestal du Christ, toutes leurs grappes bleues, blanches, violettes, semblant se hausser pour atteindre le corps même du Sauveur, des Véroniques. Elle défaillit d'émotion. En approchant, elle avait lu sur une petite pancarte accrochée au piédestal ces simples mots « La fleur de maman ». Véronique ne croyait pas au miracle. Que les fleurs fussent prodigieuses, sans aucun rapport avec les fleurs de nos pays, cela, elle devait bien l'admettre. Mais elle se refusait à croire que cette anomalie ne put s'expliquer que par des raisons surnaturelles ou par les formules des recettes magiques dont Magnoc avait le secret. Non, il y avait là quelque cause, fort simple peut-être, sur laquelle les événements apporteraient toute clarté. Cependant, au milieu du beau décor païen, au cœur même du miracle qu'il semblait avoir suscité par sa présence, le Christ surgissait de la touffe de fleurs, qui lui faisait l'offrande de leurs couleurs et de leurs parfums. Véronique s'agenouilla. Le lendemain et le surlendemain, elle revint au calvaire fleuri. Cette fois, le mystère qui l'environnait de toutes parts se manifestait de la façon la plus charmante, et son fils y jouait un rôle qui permettait de rêver à lui devant les fleurs de Véronique sans haine et sans désespoir. Mais le 5e jour, elle s'aperçut que ses provisions touchaient à leur fin, et vers le milieu de l'après-midi, elle descendit au village. En bas, elle constata que la plupart des maisons étaient restées ouvertes, tellement leurs possesseurs avaient, en s'en allant, la certitude de revenir et d'emporter, dans un second voyage, les choses nécessaires. Le cœur serré, elle n'osa pas en franchir le seuil. Il y avait des géraniums sur le rebord des fenêtres. Les grandes horloges à balancier de cuivre continuaient à régler le temps dans les chambres vides. Elle s'éloigna. Mais sous un hangar, non loin du quai, elle aperçut les sacs et les caisses qu'Honorine avait apportés sur le canot. « Allons, se dit-elle, je ne mourrai pas de faim. Il y en a pour des semaines, et d'ici là... » Elle réunit dans un panier du chocolat, des biscottes, quelques boîtes de conserve, du riz, des allumettes. Elle était sur le point de retourner au prieuré quand elle eut l'idée de poursuivre sa promenade jusqu'à l'autre bout de l'île. En repassant, elle reprendrait le panier. Un chemin ombragé montait vers le plateau. Le paysage ne lui parut pas différent. Même plaine, même lande sans culture et sans pâturage, même bosquet de vieux chênes. L'île également se rétrécissait, sans obstacle qui empêcha de voir la mer des deux côtés et de distinguer au loin la côte bretonne. Il y eut aussi une haie qui allait d'une falaise à l'autre et qui servait de clôture à un domaine, domaine de chétive apparence, avec une longue masure délabrée commun au toit rapiécé, avec une cour sale, mal entretenue, encombrée de ferrailles et de fagots. Véronique retournait déjà sur ses pas lorsqu'elle s'arrêta, confondue. Il lui avait semblé entendre un gémissement. Elle prêta l'oreille, épiant le grand silence, et de nouveau, le même bruit, mais plus distinct, lui parvint. Il y en eut d'autres, des cris de souffrance et d'appel, des cris de femme. Tous les habitants n'avaient donc pas pu prendre la fuite. Elle éprouva de la joie, mêlée d'un peu de peine, à savoir qu'elle n'était pas seule dans sa règle, et de la crainte aussi, à l'idée que les événements allaient peut-être l'entraîner encore dans le cycle de mort et d'horreur. Autant que Véronique pouvait en juger, le bruit ne provenait pas de la maison, mais des communs, situés à droite de la cour. Cette cour, une simple barrière la fermait, qu'elle n'eut qu'à pousser, et qui s'ouvrit avec un crissement de bois qui frotte. Aussitôt, à l'intérieur des communs, les cris redoublèrent. On avait entendu, sans doute. Véronique hâta le pas. Si le toit des communs était arraché par place, les murs étaient épais et solides, avec de vieilles portes bien cintrées, renforcées de barres de fer. Contre l'une de ces portes, des coups furent frappés à l'intérieur, tandis que les appels se faisaient plus pressants. « Au secours ! Au secours !» Mais une bataille eut lieu, et une autre voix moins stridente grinçait. « Tais-toi donc, Clément, c'est eux, peut-être. »« Non, non, Gertrude, c'est pas eux. On ne les entend pas. Ouvrez donc, la clé doit y être. » Véronique, en effet, qui cherchait le moyen de s'introduire, vit une grosse clé sur la serrure. Il lui suffit de tourner, la porte s'ouvrit. Tout de suite, elle reconnut les sœurs Archignat, à moitié vêtues, décharnées, avec leur air de sorcières méchantes. Elles se trouvaient dans une buanderie encombrée d'ustensiles, et Véronique aperçut au fond, couchée sur de la paille, une troisième femme qui se lamentait d'une voix presque éteinte et qui devait être la troisième sœur. À ce moment, une des deux premières s'écroula, épuisée, et l'autre, dont les yeux brillaient de fièvre, saisit le bras de Véronique et se mit à parler avec une sorte de halètement. « Vous les avez vus, hein? Ils sont là. Comment ne vous ont-ils pas tués ? Depuis que les autres ont pris la fuite, ils sont les maîtres de Sarek. Et c'est à notre tour. Voilà 6 jours que nous sommes là, enfermés. Tenez, c'était le matin du départ. On faisait ses paquets pour s'en aller sur les barques. Toutes trois, nous sommes venus ici, dans cette buanderie, prendre notre linge qui séchait. Et ils sont venus. On ne les a pas entendus. On ne les entend jamais. Et puis tout à coup, la porte a été fermée. Un seul claquement, un tour de clé, et ça y était. On avait des pommes, du pain, de l'eau-de-vie surtout. On n'a pas trop souffert. Seulement, allait-il revenir et nous tuer ? Était-ce notre tour ? Ah, ma bonne dame, est-ce qu'on a tendu l'oreille ? Est-ce qu'on tremblait de peur ? L'aînée est devenue folle, écoutez-la, elle divague. L'autre, Clémence, n'en peut plus, et moi, Gertrude... Elle avait encore de la force, car elle tordit le bras de Véronique. Et Corréjou ? Il est revenu, n'est-ce pas ? Et reparti ? Pourquoi ne nous a-t-on pas cherchés ? C'était pas difficile, on savait bien où nous étions, et au moindre bruit nous appelions. Alors ? Véronique hésitait à répondre. Cependant, pour quelle raison eût-elle caché la vérité ? Elle déclara. Les deux barques ont coulé. Quoi ? Les deux barques ont coulé en vue de Sarek. Tous ceux qui les montaient sont morts. C'était en face du prieuré, au sortir de la passe du diable. Véronique n'en dit pas davantage, évitant de prononcer les noms et d'expliquer le rôle de François et de son professeur. Mais Clémence s'était dressée, le visage décomposé, elle aussi, appuyée contre la porte, se relevait sur les genoux. Gertrude murmura. Et Honorine ? Honorine est morte. Morte ? Les deux sœurs crièrent cela à la fois, puis elles se turent et se regardèrent. La même pensée les frappait, elles semblaient réfléchir. Gertrude eut un mouvement de doigt comme une personne qui calcule, et sur les deux figures, l'épouvante croissait. Tout bas, comme étranglée par la peur, Gertrude articula, les yeux fixés aux yeux de Véronique. « Voilà, voilà, le compte y est. Savez-vous combien ils étaient sur les barques ? Sans mes sœurs et moi, savez-vous ? 20. Alors calculez. 20, et puis Magnoc, qui est mort le premier. Et puis M. Antoine, qui est mort après. Et puis le petit François, et M. Stéphane, qui ont disparu, mais qui sont morts aussi. Et puis Honorine, et Marie Le Goff, qui sont mortes. Alors, calculez, ça fait 26. 26. Le compte y est bien, n'est-ce pas ? 26 sauté de 30. Vous comprenez, n'est-ce pas ? Les 30 cercueils. Il faut bien les remplir. Alors, 26 sauté de 30. Reste 4, n'est-ce pas ? Elle ne pouvait plus parler. Sa langue s'embarrassait. Pourtant, les syllabes terribles sortirent de sa bouche, et Véronique l'entendit qui balbutiait. Hein ? Vous comprenez ? Reste 4. Nous 4. Les 3 sœurs Archignat qu'on a retenues et enfermées, et puis vous. Alors, n'est-ce pas, les 4 croix. Vous savez bien, 4 femmes en croix. Le compte y est. C'est nous 4. Il n'y a plus que nous dans l'île. 4 femmes. Véronique écoutait en silence. Une petite sœur mouillait sa peau. Elle haussa les épaules. Eh bien, et après ? S'il n'y a plus que nous dans l'île, que craignez-vous ? Eux donc, eux ! Elle s'impatienta. Mais puisque tout le monde est parti ! Gertrude s'effara. « Parlez bas, s'ils vous entendaient. »« Mais qui ?»« Ceux d'autrefois. »« Ceux d'autrefois. »« Oui, ceux qui faisaient des sacrifices, ceux qui tuaient les hommes et les femmes pour plaire à leurs dieux. »« Mais tout cela est fini. »« Les druides, vous voulez dire ? Voyons, quoi, il n'y a plus de druides. »« Parlez bas, il y en a encore, il y a des mauvais génies. » Des esprits, alors ? Dit Véronique, horripilée par ses superstitions. Des esprits, oui, mais des esprits en chair et en os, avec des mains qui ferment les portes et vous emprisonnent. Des êtres qui coulent les barques, les mêmes, quoi, qui ont tué M. Antoine, Marie Le Goff et les autres, ceux qui en ont tué 26. Véronique ne répondit pas. Il n'y avait pas à répondre. Elle savait, elle, qui avait tué M. d'Hergemont, Marie Le Goff et les autres, et coulé les deux barques. Elle demanda « À quelle heure vous a-t-on enfermé toutes les trois ?»« À 10h30, alors qu'on avait rendez-vous à 11h au village avec Corréjou. » Véronique réfléchit. Il n'était guère possible que François et Stéphane eussent eu le temps d'être à 10h30 à cet endroit, et une heure plus tard, derrière la roche d'où ils étaient élancés sur les deux barques. Devait-on supposer qu'il restait dans l'île un ou plusieurs de leurs complices ? Elle prononça. « En tout cas, il faut prendre une décision. Vous ne pouvez demeurer dans cet état. Il faut vous reposer, vous restaurer. » La seconde sœur s'était mise debout. Elle dit, avec la même intonation sourde et véhémente que sa sœur, « Il faut avant tout se cacher et pouvoir se défendre contre eux. » « Comment ?» dit Véronique, qui malgré elle éprouvait aussi ce besoin d'un asile contre un ennemi possible. « Comment ?» Voilà. Ce sont des choses dont on parlait beaucoup dans l'île, surtout cette année, et Magnoc avait décidé qu'aux premières attaques, tout le monde se réfugierait au prieuré. Au prieuré, et pourquoi ? Parce que là, on peut se défendre, les falaises sont à pic, on est protégé de toutes parts. Le pont ? Magnoc et Honorine avaient tout prévu. Il y a une petite cahute à 20 pas à gauche du pont, c'est l'endroit qu'ils avaient choisi pour enfermer les provisions d'essence. Avec 3 ou 4 bidons répandus sur le pont et une allumette. L'affaire est faite, on est chez soi. Pas de communication possible, pas d'attaque. Alors pourquoi n'est-on pas venu au prieuré au lieu de s'enfuir sur les barques ? Les barques, la fuite, c'était plus prudent. Mais nous n'avons plus le choix maintenant. Et nous partirions ? Tout de suite. Il fait jour encore, et ça vaut mieux que la nuit. Mais votre sœur, celle qui est couchée. Nous avons une brouette. Nous la porterons. Il y a un chemin direct jusqu'au prieuré, sans passer par le village. Bien que Véronique n'admît qu'avec répugnance la perspective de vivre dans l'intimité des sœurs Archinia, elle céda, dominée par une peur qu'elle ne pouvait maîtriser. « Soit, dit-elle, allons-y. Je vous conduis au prieuré, et je retourne au village chercher des provisions. »« Oh, pas pour longtemps !» objecta l'une des sœurs. « Dès que le pont sera coupé, nous allumerons des feux sur la butte du dolmen au fait, et on enverra un vapeur de la côte. Aujourd'hui, voilà la brume qui tombe, mais demain... » Véronique ne protesta pas. Elle acceptait maintenant l'idée de quitter Sarek, fût-ce au prix d'une enquête qui révélerait son nom. Elles partirent après que les deux sœurs eurent avalé un verre d'eau-de-vie. Accroupie dans la brouette, la folle riait doucement et prononçait de petites phrases qu'elle adressait à Véronique comme si elle eût voulu la faire rire aussi. « On ne les rencontre pas encore. Ils s'apprêtent. »« Tais-toi donc, vieille folle !» ordonna Gertrude. « Tu nous porterais malheur. »« Oui, oui, on va s'amuser. Ce sera drôle. Moi, je porte une croix d'or autour du cou, et puis une autre à la main, tailladée dans la peau avec des ciseaux. Regardez, partout des croix. On doit être bien sur une croix. On doit bien dormir. » « Bah, tu te taire, vieille folle !» répéta Gertrude, qui lui allongeait une gifle. « Entendu, entendu. Mais c'est eux qui vont te frapper. Je les vois qui se cachent. » Le sentier, assez rude d'abord, gagna le plateau que formaient les falaises occidentales, plus hautes, mais moins déchiquetées et moins ravinées. Les bois étaient plus rares, les chênes étaient tous courbés par le vent du large. « Nous approchons des landes, qu'on appelle les landes noires, » déclara Clémence Archinia. « Ils habitent là-dessous. » De nouveau, Véronique haussa les épaules. « Comment le savez-vous ? » « Nous savons plus de choses que les autres, » dit Gertrude. « On nous appelle les sorcières, et il y a du vrai. » Magnoc lui-même, qui s'y connaissait, nous demandait conseil sur tout ce qui est remède, sur les pierres qui portent bonheur, sur les herbes de la Saint-Jean. « L'armoise, la verveine, » ricana la folle. « On l'accueille au coucher du soleil. » « Sur la tradition aussi, » reprit Gertrude. Nous savons ce qu'on dit dans l'île depuis des centaines d'années, et on a toujours dit qu'il y avait là-dessous toute une ville avec des rues où il demeurait au temps jadis. Et il y en a encore, J'en ai vu, moi, qui vous parle. » Véronique ne répondit pas. « Mes sœurs et moi, oui, on en a vu un. Deux fois, au sixième jour qui suit la lune de juin, il était habillé en blanc, et il montait au grand chêne cueillir le gui sacré avec une serpe d'or. L'or luisait au clair de lune, je l'ai vu, que je vous dis. Et d'autres aussi l'ont vu, et il n'est pas le seul. Ils sont plusieurs qui sont restés d'autres fois pour garder le trésor. Oui, oui, j'ai bien dit, le trésor. On dit que c'est une pierre qui fait des miracles, qui peut faire mourir si on y touche, et qui fait vivre quand on s'étend dessus. Tout ça, c'est des vérités. Magnope nous l'a dit, des vérités. Ceux d'autrefois gardent la pierre Dieu, et il faut qu'ils nous sacrifient toute cette année. Oui, tous, 30 morts pour les 30 cercueils. 4 femmes en croix, chantonna la folle. Et ça ne peut pas tarder. Le sixième jour après la lune approche. Il faut que nous soyons partis avant qu'on nous monte au grand chêne pour la cueillette du gui. Tenez, le grand chêne, on le voit d'ici. C'est dans le bois, avant le pont. Il domine les autres. Ils sont cachés derrière, dit la folle, qui s'était retournée sur sa brouette. Ils nous attendent. Assez, toi, et ne bouge pas. Alors, n'est-ce pas, vous le voyez, le grand chêne, là-bas, par-dessus la dernière lande. Il est plus... Elle laissa tomber la brouette, sans achever sa phrase. Clémence lui dit, « Eh bien quoi, qu'est-ce que tu as ?»« J'ai vu quelque chose, » bégaya Gertrude. « J'ai vu du blanc qui remuait. »« Quelque chose. Et comment veux-tu? Est-ce qu'il se montre en plein jour? Tu l'as berlu. » Elles regardaient toutes deux un moment, puis repartirent. Le grand chêne bientôt ne fut plus visible. La lande qu'elle traversait était morte et rugueuse, hérissée de pierres couchées comme des tombes et qui toutes s'alignaient dans le même sens. « C'est leur cimetière !» chuchota Gertrude. Elles ne dirent plus rien. Plusieurs fois, Gertrude dut se reposer. Clémence n'eut pas la force de pousser la brouette. Toutes deux vacillaient sur leurs jambes et elles interrogeaient l'espace avec des yeux inquiets. Il y eut une dépression. On remonta. Le sentier s'amorça sur celui que Véronique avait pris le premier jour avec Honorine et elles entrèrent dans le bois qui précède le pont. Au bout d'un instant, l'émotion croissante des sœurs Archignat fit comprendre à Véronique que l'on approchait du grand chêne, et elle l'aperçut en effet, plus gros que les autres, élevé sur un piédestal de terre et de racines, et séparé d'eux par des intervalles plus grands. Il lui fut impossible de ne pas penser que plusieurs hommes pouvaient se dissimuler derrière ce tronc massif, et qu'ils s'en dissimulaient peut-être. Malgré leur effroi, les sœurs avaient accéléré l'allure, et elles ne regardèrent pas l'arbre fatal. On s'en éloigna. Véronique respira plus librement. Tout danger était passé et elle allait railler les sœurs Archignat lorsque l'une d'elles, Clémence, tournoya sur elle-même et s'abattit avec un gémissement. En même temps, quelque chose tomba à terre, quelque chose qui l'avait frappé dans le dos. C'était une hache de pierre. « Ah, la pierre de foudre, la pierre de foudre !» cria Gertrude. Une seconde, elle leva la tête, comme si, selon des croyances populaires encore vivaces, elle avait pensé que l'âge venait du ciel et fut une émanation du tonnerre. Mais à ce moment, la folle, qui était sortie de sa brouette, bondit sur place et retomba la tête en avant. Une autre chose avait sifflé dans l'espace. La folle se tordait de douleur. Gertrude et Véronique virent une flèche qui était fichée dans son épaule et qui vibrait encore. Alors Gertrude s'enfuit en hurlant. Véronique hésita. Clémence et la folle se roulaient à terre. La folle ricanait. « Derrière le chêne, ils se cachent, je les vois !» Clémence bégayait. « Au secours, aidez-moi, emportez-moi, j'ai peur !» Mais une flèche encore siffla et se perdit au loin. Véronique prit aussi la fuite, atteignit les derniers arbres et se précipita sur la pente qui dévalait vers le pont. Elle courait éperdument, poussée non point tant par une terreur, d'ailleurs légitime, que par la volonté ardente de trouver une arme et de se défendre. Elle se rappelait que dans le bureau de son père, il y avait une vitrine remplie de fusils et de revolvers, qui tous portaient la mention « chargée », inscrite sans doute à cause de François, et c'était une de ces armes dont elle voulait se saisir pour faire front à l'ennemi. Elle ne se retournait même pas, elle n'éprouvait pas le besoin de savoir si elle était poursuivie. Elle courait au but, au seul but qui lui fût utile. Plus légère, plus vive, elle rattrapa Gertrude. Celle-ci haleta. « Le pont, il faut le brûler, le pétrole est là !» Véronique ne répondit pas. La rupture du pont, c'était secondaire. C'eût été même un obstacle à son dessein de prendre un fusil et d'attaquer l'ennemi. Mais comme elle arrivait au pont, Gertrude fit une pirouette qui la jeta presque dans l'abîme. Une flèche l'avait atteinte au rein. « À moi, à moi !» proféra-t-elle. « Ne m'abandonnez pas !»« Je reviens !» répliqua Véronique, qui, n'ayant pas vu la flèche, croyait que Gertrude avait fait un faux pas. « Je reviens, j'apporte deux fusils, vous me rejoindrez !» Dans son esprit, elle imaginait qu'une fois armées toutes deux, elle retournerait jusqu'au bois et délivrerait les autres sœurs. Aussi, redoublant d'efforts, elle franchit le pont, gagna le mur du domaine, traversa la pelouse et monta dans le bureau de son père. Là, elle dut s'arrêter hors d'haleine, et quand elle eut empoigné les deux fusils, il lui fallut, tellement son cœur battait, revenir à une allure plus lente. Elle fut étonnée de ne pas rencontrer et de ne pas apercevoir Gertrude. Elle l'appela, aucune réponse. Et seulement alors, elle eut l'idée que peut-être la Bretonne avait été blessée, comme ses sœurs. Elle reprit sa course. Mais lorsqu'elle parvint en vue du pont, elle perçut à travers le bourdonnement de ses oreilles des plaintes stridentes, et ayant débouché en face de la pente abrupte qui montait jusqu'au bois du Grand Chêne, elle vit, ce qu'elle vit, la cloua net à l'entrée du pont. De l'autre côté, Gertrude, vautrée sur le sol, se débattait, s'accrochant aux racines, enfonçant ses doigts crispés dans la terre ou dans l'herbe, et s'élevant le long de la pente lentement, d'un mouvement insensible et ininterrompu. Et Véronique se rendit compte que la malheureuse était attachée sous les bras et à la taille par une corde, qui la hissait ainsi qu'une proie ficelée et impuissante et que tiraient là-haut des mains invisibles. Véronique épaula. Mais quel ennemi viser? Quel ennemi combattre? Qui se cachait derrière les troncs d'arbres et les pierres dont la colline était couronnée comme d'un rempart? Entre ces pierres, entre ces troncs d'arbres, Gertrude glissa. Elle ne criait plus, exténuée sans doute, évanouie. Elle disparut. Véronique n'avait pas bougé. Elle comprenait la vanité de tout effort et de toute entreprise. En se jetant dans une lutte où elle était vaincue d'avance, elle ne pouvait délivrer les sœurs Archinia, et elle s'offrait elle-même au vainqueur, nouvelle et dernière victime. Et puis, elle avait peur. Tout se passait selon la logique implacable de faits dont elle ne saisissait pas la signification, mais qui, en vérité, semblaient liés les uns aux autres comme les mailles d'une chaîne. Elle avait peur, peur de ses êtres, peur de ses fantômes, peur instinctivement et inconsciemment, peur comme les sœurs Archinia, comme Honorine, comme toutes les victimes de l'épouvantable fléau. Elle se baissa pour qu'on ne pût l'apercevoir du grand chêne, et à moitié courbée, profitant de l'abri que lui offraient des buissons de ronces, elle atteignit, à gauche, la petite cahute dont lui avaient parlé les sœurs Archinia, sorte de kiosque à toit pointu et à carreaux de couleur. La moitié de ce kiosque était occupée par des bidons d'essence. De là, elle commandait le pont sur lequel personne ne pouvait s'engager sans être vu par elle. Mais personne ne descendit du bois. La nuit vint, une nuit de brouillard épais que la lune argentait et qui permettait tout juste à Véronique de distinguer le côté opposé. Au bout d'une heure, un peu rassurée, elle fit un premier voyage avec deux bidons qu'elle versa sur les poutres extérieures du pont. 10 fois, l'oreille aux aguets, son fusil en bandoulière et toute prête à se défendre, elle recommença le trajet. Elle répandait l'essence un peu au hasard, tâtonnant, choisissant néanmoins autant que possible les places où il lui semblait, au toucher, que le bois était le plus pourri. Elle avait une boîte d'allumettes, la seule qu'elle eût trouvée dans la maison. Elle sortit l'une de ses allumettes, hésita un moment, craintive à l'idée de la grande clarté qui allait se produire. Si encore, pensait-elle, cela pouvait être vu des côtes, mais avec ce brouillard. Brusquement, elle frotta, et aussitôt, alluma une torche de papier qu'elle avait préparée et enduite d'essence. Une grande flamme jaillit qui lui brûla les doigts. Alors, elle jeta le papier sur une flaque d'essence qui s'était formée dans un creux et s'enfuit vers le kiosque. L'incendie fut immédiat et se propagea d'un coup sur toute la partie qu'elle avait arrosée. Les falaises des deux îles, le lien de granit qui les réunissait, les grands arbres environnants, la colline, le bois du Grand Chêne, la mer au fond du gouffre, tout cela fut illuminé. Ils savent où je suis. Ils regardent le kiosque où je me cache, songeait Véronique, dont les yeux ne quittaient pas le Grand Chêne. Mais aucune ombre ne passa dans le bois. Aucun murmure de voix ne lui parvint. Ceux qui se dissimulaient là-haut ne sortirent point de leurs retraites impénétrables. Au bout de quelques minutes, la moitié du pont s'écroula avec un grand fracas et un jaillissement d'étincelles. Mais l'autre moitié continua de se consumer et à tout instant, il tombait dans le précipice un morceau de poutre qui éclairait la profondeur des ténèbres. À chaque fois, Véronique éprouvait un soulagement. Ses nerfs exaspérés se détendaient. Un sentiment de sécurité l'envahissait, de plus en plus justifié à mesure que l'abîme devenait plus large entre elle et ses ennemis. Cependant, elle resta dans le kiosque et résolut d'y attendre l'aube afin de se rendre compte qu'aucune communication n'était possible désormais. La brume s'accrut. L'obscurité enveloppa toute chose. Vers le milieu de la nuit, elle entendit du bruit de l'autre côté, vers le haut de la colline autant qu'elle put en juger. C'était le bruit que font les bûcherons en abattant des arbres. La hache frappait régulièrement dans des branches que l'on achevait ensuite de casser. Véronique eut l'idée, absurde d'ailleurs, elle le savait, qu'il construisait peut-être une passerelle, et elle serra fortement son fusil. Au bout d'une heure, elle crut percevoir des gémissements et même un cri étouffé, puis, assez longtemps, des froissements de feuilles, des allées et venues. Cela cessa. De nouveau, ce fut le grand silence où se confond tout ce qui remue, tout ce qui s'inquiète, tout ce qui frissonne, tout ce qui vit dans l'espace. L'engourdissement de la fatigue et de la faim, qui commençait à la faire souffrir, laissait peu de pensée à Véronique. Elle se souvenait surtout que, n'ayant rapporté du village aucune provision, elle n'aurait pas de quoi manger. Elle ne se tourmentait pas, car elle était décidée, dès que la brume se déchirerait, et cela ne pouvait tarder, à allumer de grands feux avec des bidons d'essence. Elle songea même que la meilleure place serait l'extrémité de l'île à l'endroit où s'élevait le dolmen. Mais soudain, une idée redoutable l'assaillit. N'avait-elle pas oublié sa boîte d'allumettes sur le pont? Elle fouilla dans ses poches et ne la trouva point. Toutes les recherches furent inutiles. De cela non plus, elle ne fut pas très vivement troublée. Pour l'instant, l'impression qu'elle avait échappé aux attaques de l'ennemi la comblait d'une telle joie qu'il lui semblait que toutes les difficultés s'aplaniraient d'elles-mêmes. Ainsi passèrent les heures, heures infiniment longues, que la brume pénétrante et que le froid rendaient plus pénibles à l'approche du matin. Puis, une vague lueur se répandit dans le ciel. Les choses sortirent de l'ombre et prirent leur forme réelle. Véronique vit alors que, sur toute sa longueur, le pont s'était effondré. Un intervalle de 50 mètres séparait les deux îles que reliait seulement en dessous la crête aiguë, coupante et inabordable de la falaise. Elle était sauvée. Mais ayant levé les yeux sur la colline opposée, elle aperçut, tout en haut de la pente, un spectacle qui lui fit pousser un cri d'horreur. Trois des arbres les plus avancés de ceux qui couronnaient la colline et qui appartenaient au bois du Grand Chêne avaient été dépouillés de leurs branches inférieures, et sur les trois troncs dénudés, leurs bras écartelés et ramenés en arrière, leurs jambes ficelées sous les haillons de leurs jupes, des cordes passées sur leurs têtes livides que cachait la moitié des ailes noires de leur coiffe, se dressaient les trois sœurs Archinia. Elles étaient crucifiées.